Musonius est un philosophe romain du 1er siècle après notre ère. La ville de Numance, au nord de l'Espagne, résista longtemps aux troupes romaines. Lorsque, dans ma jeunesse, je fréquentais les écoles, j'entendais citer du philosophe Musonius une maxime grecque que je me plus à retenir, tant elle est pleine de justesse et de grâce, et resserrée dans des paroles courtes et rapides. Si tu fais du bien avec peine, la peine passe, le bien reste. Si tu fais du mal avec plaisir, le plaisir passe, le mal reste. J'ai plus tard retrouvé cette même pensée dans le discours que Caton adressa aux chevaliers sous les murs de Numance. Si Caton l'a exprimé avec moins de précision que l'auteur grec, la phrase latine est la plus ancienne et la priorité lui donne droit à plus de vénération. Voici le passage du discours. Réfléchissez en vous-même que si vous faites le bien avec fatigue, votre fatigue s'en ira vite. Le bien que vous aurez fait ne vous quittera pas de toute votre vie. Si vous commettez de mauvaises actions avec plaisir, le plaisir passera bientôt, mais la mauvaise action demeurera toujours près de vous.